Elle a cette maladie qu'elle traîne comme une ombre. Elle a sans un cri accepté cette vie du sombre. Elle a une petite fille qu'on peut voir partout avec elle. Elle a perdu tous ses amis qui lui rendaient la vie plus belle. Elle aurait pu avoir ses 30 ans, la vie a décidé autrement. Elle aurait pu voir grandir son enfant. Elle aurait pu voir grandir son enfant de la sable. Elle a dans ses yeux clairs le regard qui en dit long. Elle a au fond du cœur de l'amour sans illusion. Elle a pourtant donné, donné toute sa vie. Elle n'a plus qu'à pleurer, se dire que c'est fini.